17h avec Michel Dubois, Capestrade les dimanches midi avec Jean-Pierre Chénard et son équipe, Les Routes Enchantées les dimanches 13h avec Denise Leclerc et son équipe, Racine Musicale les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien oui, on est en direct de Montreuil. Pour ceux qui ne savent pas où est Montreuil, bien c'est en banlieue de Paris. On est au sommet citoyen pour le climat. En fait, vous avez entendu parler de l'émission Grain de sable dans le passé, d'Alternativa, le village mondial des alternatives. Eh bien aujourd'hui, non seulement je l'ai vécu, mais j'en rêve encore. Ça n'existe pas au Québec encore, mais il faudra que ça vienne. Avec moi, j'ai un porte-parole, un cousin, son père, puisque Attaque Québec travaille fort avec Attaque France, et on sait qu'Attaque France ont beaucoup d'énergie, de ressources, et nous avons avec nous Julien Rivoire, qui est, d'ailleurs, tu vas nous décrire un peu qui tu es exactement, mais tu es une sorte de syndicaliste, mais qui siège sur le conseil d'administration d'Attaque France. Il y a des choses qui se passent pour Attaque France ici, et pas seulement Attaque France, mais tous les groupes. Moi, j'ai eu la chance, en tant que président des animateurs de Québec, d'assister à la French, et ça regroupait des groupes autant américains, européens, asiatiques, des latino-américains, même Pablo Solon, qui est un des auteurs d'un livre qu'on recommande grandement. D'ailleurs, je porte fièrement l'enseigne Climatique Stop. Il y a Maxime Combe aussi, qui est un des auteurs, Geneviève Azam, qui étaient deux de nos invités, mais ils n'ont pas pu venir. Pour Maxime, il est encore aux négociations avec Robert Bourget à quelques minutes d'ici. Il ne peut pas le faire. Il s'en va à un lancement d'un livre avec Geneviève Azam. Donc, merci d'être avec nous et de nous expliquer quels sont ces grands enjeux de COP21 et qu'on veut peut-être un futur avec la French Coalition. Cette coalition, effectivement, elle regroupe, et ça c'est inédit, c'est quelque chose de très important, elle regroupe des acteurs très divers. Et c'est une coalition très large. On retrouve bien entendu dans cette coalition des ONG environnementales, tu as parlé des Amis de la Terre, on les retrouve bien sûr, des ONG qui travaillent depuis des années sur ces questions-là. Mais également, ceux qui sont associés à ces ONG, un certain nombre d'organisations, des organisations qui depuis longtemps sur ces questions humaines et qui portent une critique radicale du système dans lequel nous vivons. On retrouve Attaque, bien sûr, Alternativa, des mouvements sociaux divers, etc., issus du mouvement altermondialiste, par exemple, mais également au-delà. Ça, c'est aussi une nouveauté des syndicats. On a un certain nombre des principaux syndicats français qui sont dans la coalition. Et au niveau international, la Confédération syndicale internationale qui est présente, avec d'ailleurs des Canadiens et des Québécois qui sont très, très investis sur ces questions-là, sur les enjeux emploi climatique, etc. On retrouve aussi des organisations de solidarité nord-sud. On retrouve également groupes de foi, groupes protestants, catholiques, etc., progressistes. Cette diversité, je pense, et je crois que c'est un atout, que c'est une force, même si on n'est pas forcément d'accord sur toutes les positions, sur toutes les points d'analyse. On est par contre tous d'accord sur le fait qu'il n'y aura aucun changement, aucun bouger dans une mobilisation citoyenne et des mouvements sociaux qui soient fortes, ancrées, un rapport de force qui permette de faire bouger les lignes, parce qu'on le voit bien là dans les négociations qui sont en cours, hein, de toute façon, ce sont pourtant plus, aujourd'hui davantage les lobbies industriels et fossiles qui sont à la manœuvre que les mouvements sociaux et les sociétés civiles en sont en cours. Donc, Attac France, quels sont les principaux dossiers que vous faites avancer dans ce genre de coalition? C'est un peu aussi une coalition pour dire, c'est pas où c'est pas avec 96 chefs d'État. On voit beaucoup de slogans très accrocheurs, d'ailleurs. Changeons le système. Changeons le système, pas seulement. Oui, je crois que le système, quels sont les responsables du dérèglement climatique? Je crois que c'est la question centrale. Et quand on pose cette question, on arrive très vite à la découverte de l'enjeu des inégalités sociales et environnementales. Contrairement à un discours un peu mainstream sur les enjeux, sur les questions environnementales, notamment en France, hein, comment c'est traité au Québec, en France, depuis longtemps, on nous décrit qu'on est tous responsables, on est tous dans le même bateau, donc il faut changer nos modes de consommation, nos modes de vie individuels, etc. Il ne s'agit pas de critiquer complètement ce discours-là, mais il faut essayer d'interroger cette métaphore de « on est tous dans le même bateau ». Moi, j'aimerais qu'on était tous dans la même galère, mais comme dans une galère, il y en a un certain nombre qui sont en train de ramer et puis d'autres qui sont en train d'être tranquilles sur le pont à faire dorer la pilule. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui, à la fois, exploitent les salariés, qui exploitent la majorité de la population pour s'enrichir en accaparant la richesse produite par ces travailleurs, qui s'accaparent les ressources naturelles et qui font qu'ils se mettent en danger, y compris notre existence sur cette société. C'est qui? C'est les principaux responsables, c'est notamment les multinationales. Une étude au Canada a montré, une fois que c'était au Canada, mais en fait une étude a montré que 90 multinationales étaient responsables des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. Alors, bien entendu, encore une fois, les éco-gestes, nos gestes individuels sont nécessaires. Ça nous donne à voir quel pourrait être le monde de demain. Mais nous ne sommes pas tous responsables de la même manière. Et je rajouterais une chose, si on veut filer encore la métaphore du bateau et la question des injustices environnementales. Nous ne sommes pas responsables de la même manière des gaz à effet de serre. Et lorsque le bateau coule, nous n'avons pas tous accès de la même manière aux canaux de sauvetage. On l'a vu avec Katrina, par exemple, hein, ou avec Sandy, qui sont les principaux impactés du dérèglement climatique. Ce sont toujours les populations les plus pauvres. Ce sont les populations les plus pauvres sur la planète, notamment les pays du Sud, mais y compris dans les pays riches, ce sont les populations les plus pauvres. Parfois, les plus riches vont réussir à trouver des moyens d'adaptation pour contourner ce dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est la question de notre mode de fonctionnement, de nos modes de société, qui est le système capitaliste, qui faut remettre en cause et qu'il faut questionner. Julien, nous avons avec nous le président d'Attac Québec, Claude Vaillancourt, et j'aimerais qu'il réagisse aux commentaires d'Attac France sur ce qu'on vient d'entendre, mais on veut aussi, puisque Claude Vaillancourt, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le libre-échange. Est-ce que c'est plus important de se battre contre le libre-échange ou contre ce qui se passe à COP21? Moi, je pense que c'est très bien, justement, ce qu'on essaie de faire le plus possible. La lutte contre les changements climatiques et le libre-échange est parfaitement incompatible. Donc, on entre dans quelque chose qui est tout à fait contradictoire. Alors, et je pense aussi, quand on parlait tout à l'heure des pouvoirs des corporations, le libre-échange, c'est là pour leur donner un pouvoir qui est absolument gigantesque. Là. Alors, moi, je pense qu'on fait des pierres deux coups, tout simplement. Et Attac Québec, pourquoi vous êtes ici à Paris? Eh bien, on est ici pour suivre ces événements-là. On est ici pour faire des liens. Travaille sur les questions climatiques, je pense qu'il y a ce qui se passe, c'est extrêmement important. On ne sait pas ce qui va sortir de ça, mais en tout cas, c'est très, très important au niveau de la mobilisation qui est en train de se faire. Moi, je pense qu'il y a progrès assez étonnant dans les organisations sur le climat, comme parce qu'on sent qu'il y a une avancée considérable, alors je pense qu'il faut avoir des images de voir. En tout cas, moi, je sais que quand je suis arrivé, j'étais très optimiste de voir ce qui se passe. J'ai eu accès aux rencontres au Bourget, qui étaient réservées à des gens qui étaient accrédités, tout ça. Mais ma première rencontre en dehors de COP21, ça a été la French Coalition qu'on parlait en démission avec initiée par cet autre groupe. Et est-ce que vous êtes content que le Canada soit représenté de la manière qu'il est à l'heure actuelle? Ben, je pense qu'on ne pourrait pas sombrer plus bas, on ne peut pas tomber plus bas qu'avec le dernier gouvernement. Donc, c'est nécessairement une avancée, nécessairement un progrès. Maintenant, jusqu'où il va aller, moi, je pense que ce gouvernement-là est quand même encore lié dans des intérêts économiques. Il n'y a pas de rupture avec les grandes entreprises de l'ultra-mère. C'est un gouvernement qui a fait une campagne électorale sans s'engager dans rien, finalement, alors qu'il va lui permettre de prendre une autre décision qu'il va vouloir prendre. Alors, moi, je pense que c'est vraiment le sujet de très, très net. Il faut augmenter les pressions. L'avantage de ce gouvernement-là, c'est qu'il est quand même plus sensible aux pressions populaires, plus ouvert au dialogue. Même si parfois, il vient de parler, évidemment, il faut prendre une décision de faire, mais enfin, c'est des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut intervenir quand même de manière dynamique. Ben, merci Claude Vaillancourt. Et d'ailleurs, une des bonnes nouvelles que nous avons reçues aujourd'hui par le réseau des Amis de la Terre internationale, c'est que le marché du carbone est exclu de l'accord international de Paris. Il est exclu alors que c'était le gouvernement canadien qui en faisait la promotion. D'ailleurs, M. Philippe Couillard, le premier ministre, était venu en début, avant même que ça commence, rencontrer le premier ministre Valls, et on sentait de par la présence journalistique les questions que le Canada voulait vendre le marché du carbone, d'une quarantaine de pays qui semblaient être intéressés, mais ce matin, on a su que c'est complètement exclu et ça sera rediscuté seulement dans 5 ans. Donc ça, l'histoire de prendre des crédits dans le Nord, de polluer dans le Nord, d'acheter un permis de polluer dans le Nord et de penser se faire racheter ses pêchés en plantant des érables ou des eucalyptus au Mozambique, eh bien ça, c'est exclu et c'est une bonne nouvelle pour les pays en voie de développement qu'on dirait. Nous avons aussi avec nous, Claude, Jean-Pierre Sirène, Surinet. Excuse-moi. Déjà marché sur Ottawa pour aider les mariniers à être contre l'entente de libre-échange. Par exemple, c'est que des matelots sur le fleuve Saint-Laurent pourraient se faire remplacer par des matelots turcs, brunais ou peu importe. Payer un prix beaucoup moindre et moins organisé. Donc, il y a des présences comme ça que vous faites à Ottawa, mais là, pourquoi venir ici à Paris? Ça va pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on met cher compatriote, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Bon, je crois qu'on est vraiment heureux d'être là. Et on lâche rien. Peut-être que vous nous entendez, oui, de Paris de Montreuil, en direct du sommet citoyen pour le climat, en fait, ce qu'on appelle communément Alternativa, quelque chose qui n'existe pas au Québec, qui devrait exister. D'ailleurs, on est en compagnie des gens d'Attaque Québec, des Amis de la Terre, et nous saurons peut-être faire un suivi à ça aussi. Non, au Québec, d'ailleurs, Sorinel, je reprends québécois, l'intégration continentale, de tout ce qui est impliqué dans des luttes locales. Est-ce que ce genre d'organisation pourrait se faire au Québec? Pourquoi vous êtes ici à Paris? Bien, d'entrée de jeu, le RQIC travaille depuis plus de 25 ans, en fait, depuis 1986, lors des négociations de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, ensuite est élargi sur l'ALENA avec le Mexique. Les enjeux du réchange, j'ai définitivement on est ici à Montreuil, à Paris, pour participer évidemment aux mobilisations et aux des grands débats qui ont lieu actuellement ici, dans les différents mouvements sociaux, des gens d'ici, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, bien sûr, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Donc, un moment unique là, de convergence, des luttes sur un enjeu qui est civilisationnel, il faut le dire, des enjeux climatiques. Je pense qu'il y a urgence, on est dans... On a beaucoup parlé de l'état d'urgence ici en France à cause des attentats, mais on parle aussi clairement des mouvements sociaux d'un état d'urgence climatique. Le RQC, définitivement, croit profondément que l'enjeu climatique auquel on fait face aujourd'hui est étroitement lié au modèle économique qui est mis de l'avant. Depuis plus de 30 ans, un modèle économique basé sur la libéralisation des réglementations. Le modèle économique, donc, du libre-échange est vraiment l'enjeu que nous, on met de l'avant, qu'on questionne. Pour nous, il faut vraiment repenser le modèle économique. D'ailleurs, pour les lecteurs là, et auditeurs de la région de Québec, aujourd'hui, vous procurez-vous le soleil. On a un article ici qu'on a fait paraître aujourd'hui, justement, qui jette les bases de notre critique du débat public qu'il doit y avoir chez nous. C'est que ici, actuellement, à Montreuil, ça nécessite de repenser le modèle économique, l'équilibre entre production et consommation, et comment le modèle de libre-échange, les grands accords, dont le Transpacifique, qui a été conclu récemment, l'accord de l'Union européenne, aussi conclu il y a un an, qui sont toujours pas ratifiés, donc il est toujours temps de les arrêter parce qu'ils sont à l'encontre, justement, de toutes les politiques publiques qu'on peut mettre de l'avant tant au niveau social qu'au niveau environnemental. Dans ces accords-là, on le sait depuis 25 ans, mais on voit un renouveau de ces accords. Ça met en place des mécanismes qui réduisent la capacité de l'État d'intervenir dans l'économie, l'orienter en fonction des besoins de la population. Et à la question de la French Coalition, comme représentant québécois, il y a un suivi, est-ce qu'il y a un lien avec le Forum mondial social auquel vous êtes associé aussi? Je ne sais pas trop à quoi tu fais référence avec la French Coalition, mais j'imagine que tu fais référence à la coalition Climat 21 qui a vraiment été... nous, on essaie de franciser quand même. On sait que nos amis de France aiment bien angliciser des fois, mais nous, on est assez... On met les breaks, comme on dit en bon français, hein, pour essayer de ramener le français dans la dans nos discussions. Oui, la coalition climat a depuis plus d'un an là, déjà travaille à organiser les débats, à organiser les fonds communs de lutte. Et je crois que plusieurs joueurs, syndicaux, mouvements populaires, communautaires, des initiatives concrètes d'alternatives comme Alternativa, comme le village dans lequel on est en ce moment, participent. Et aussi une grande coalition européenne, Seattle to Brussels, qui est notre allié naturel ici, qui travaille sur des enjeux des marchés transatlantiques, justement l'ASCG dont je parlais tout à l'heure, aussi l'accord États-Unis-Union européenne, et aussi des collectifs comme le Stop TAFTA, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, le marché transatlantique. Donc, des collectifs comme ça qui, autour des enjeux de climat, qui sont des enjeux de civilisation, de survie aussi de la nature, de notre environnement, mais social, économique, politique, on met de l'avant une convergence. On croit qu'aujourd'hui, l'heure est venue et on fait face à un moment unique pour amener les grandes campagnes contre les accords de libre-échange parce qu'ils ont un impact néfaste sur notre capacité à intervenir pour le social, pour les droits humains et pour les droits de la nature. Avec les campagnes contre le pouvoir des multinationales, on l'a entendu tout à l'heure de notre camarade là, de la FSU syndicale qui disait qu'on était dans un bateau où il y avait des gens qui étaient sur le pont à se griller au soleil tandis que d'autres ramaient. Effectivement, c'est le pouvoir des multinationales, les accords de libre-échange, accordent des droits excessifs aux multinationales, leur permettent de poursuivre les États quand les États mettent de l'avant des politiques publiques qui restreignent leurs profits. C'est pas un droit, ça, de faire de l'argent là sur le dos du monde. Alors, je pense que les accords de libre-échange favorisent ça. Il faut vraiment repenser ces accords-là. On est à un moment clé, un point tournant. Il faut repenser l'économie, la remettre au service du monde, que ce soit en harmonie avec la nature, que ça permette aussi de mettre de l'avant des projets novateurs, consolider les alternatives de consommation de proximité. Alors, quand on parle des accords de libre-échange, tout ce qu'on veut, c'est ouvrir les vannes hein, sur le commerce d'à peu près tout dans le monde, des territoires, de l'agriculture, accélérer les échanges commerciaux transatlantiques, alors qu'il y a plein d'initiatives locales de proximité qui nous permettent justement de repenser le monde, de remettre l'économie et la nature au cœur de notre vie en société, finalement. Toujours aux grands enjeux. On peut être ici à Paris pendant le COP21, jusque toute la planète en parle, mais parler des choses essentielles, des choses qui reviennent entre deux COP21, il y a toujours ces ententes de libre-échange qui se négocient. Mais pensez-vous que ça va changer les futures ententes de libre-échange qui vont être en cours d'Attaque Québec? Moi, je pense que les ententes de libre-échange, le problème, c'est qu'elles sont soit terminées. On peut parler de l'accord du partenaire transpacifique et aussi l'accord canadien-Union européenne, c'est terminé. Donc, il reste le processus de ratification. Alors ça veut dire qu'on peut pas tellement intervenir sur eux. Il s'agit tout simplement de les stopper. Et puis, à partir de ça, on peut commencer à penser à d'autres choses. Pour les stopper, évidemment, on a un travail énorme. Je dirais un travail énorme beaucoup au Canada. De sensibilisation, parce qu'on semble admettre finalement que le libre-échange, c'est une bonne chose, mais ne serait-ce tous les effets secondaires que ça a sur l'environnement, dont on a beaucoup parlé depuis toutes les émissions, eh bien, ça montre quand même qu'il faut vraiment, vraiment s'attaquer à ça. Puisque c'est beaucoup ce dont on discute ici actuellement à la COP21. Et d'ailleurs, ça donne la chance à Tax France de prendre sa place dans l'actualité. Vous avez suivi l'actualité, en tout cas peut-être que vous le ferez à Québec, mais il y a ce qu'on appelle Attaque France est très impliqué pour aller voler des chaises dans les banques. Et il y a eu des événements cette semaine, même José, personnage connu ici, est allé s'asseoir sur une de ces chaises. Et demain, ici, alternativement, il y aura 196 chaises qui représentent 196 chefs d'État qui sont en négociation avec leurs représentants ici à COP21 dans le but de faire un accord universel sur les changements climatiques. Mais on veut rappeler justement à ces gens-là que les grands sponsors de cet événement-là, COP21, les grandes multinationales, on doit les décrire, on doit les dénoncer. Et il y a l'expression que j'utilise à TAC France, c'est pour les fraudes, pour les chaises, dans un expédient. On pourrait aller au kiosque à TAC France aujourd'hui, se faire photographier avec un chapeau, un collet de fleurs comme on aurait à Hawaï. Il manquait juste le cigare. On nous suggère de l'argent dans les mains. Il se fait photographier sur une de ces chaises qui appartient au banquier de la Paris, en l'occurrence, celle sur laquelle j'étais. Donc, on mettra ça sur le site Internet. Peut-être que vous aurez la chance, vous allez vous faire photographier. Bon, on a avec nous un représentant des Amis de la Terre France. Le président était pris par des réunions. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé de venir à l'émission, votre président, Laurent Compin, il dit, Jean, je sais pas, je dois aller rencontrer le ministre de l'Intérieur. On a des activités qui sont prévues, qui vont peut-être faire en sorte que je vais être en garde à vue ou emprisonné. Donc, mais finalement, je l'ai vu aujourd'hui ici, il était au kiosque des éliminateurs, mais étant donné qu'il est occupé dans toutes sortes de réunions, on a un remplaçant. D'ailleurs, présentez-vous, et il y a un dossier qui vous tient à cœur que j'aimerais vous dialoguer ici. Oui, bonjour. Donc, je suis Patrick Soltier et je travaille avec les habitants de l'île de Sein. Donc, et les Amis de la Terre nous soutiennent beaucoup dans le combat que nous menons aujourd'hui. L'île de Sein est une petite île à la pointe de la Bretagne et a la particularité de ne pas être accordée au réseau français. Et aujourd'hui, l'opérateur qu'on dit historique en France, EDF, produit l'électricité avec 100% de fioul. En tant que les habitants souhaitent un changement et passer, diminuer le fioul et faire du renouvelable et toujours de le faire. Et donc un jour, les habitants en ont eu marre et ont créé leur société pour mettre du renouvelable. Et le seul moyen, c'est de récupérer le réseau parce que DEF utilise sa position de gestionnaire de réseau pour empêcher tout mise en place d'injection de renouvelables dans le réseau et donc les habitants créent leur société pour remplacer EDF sur l'île de Sein. Voilà notre combat aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un combat qui est très très pris dans cette région de France, mais quels sont les grands dossiers des Amis de la Terre en France, ici à part COP21? Est-ce que vous voyez un lien entre les actions que vous faites ces jours-ci avec qui se passe à COP21? Bon, ça est un peu un problème ou un symbole de plusieurs points de vue. Première chose, c'est qu'il le sent à 2 mètres en moyenne au-dessus du niveau. Il constate aujourd'hui l'élévation du niveau de la mer. Il y a des zones qui, auparavant, l'eau ne venait jamais. Et aujourd'hui, à chaque fond de marée, l'eau vient sur le terre-plein, par exemple, du port, l'eau de la mer vient. Donc, le réchauffement climatique a des effets sur le niveau de la mer, ça c'est indéniable. Et on continue à brûler du fioul, alors que ça coûte plus cher que le renouvelable. Et tout ça parce qu'il y a un monopole en place, et puis il y a une force de lobbying très forte, et donc il empêche toute utilisation vertueuse des subventions, parce qu'aujourd'hui, EDF est subventionné pour brûler du fioul, alors que ça coûte plus cher qu'on pourrait mettre du renouvelable. Et donc, là, l'île de Sein est vraiment un symbole, une caricature des défauts du système actuel. C'est vrai que le compte des habitants de l'île de Sein, que soutient les Amis de la Terre, est un peu emblématique du problème systémique français. Et c'est pour ça que EDF se bat très, très fortement pour nous, hein, contre nous, alors que l'île de Sein, c'est très petit, c'est 50 hectares, il y a une centaine d'habitants l'hiver. Et là, on voit le combat est extrêmement fort. Merci beaucoup d'être venu nous donner un exemple concret de projet que des groupes de la société civile s'impliquent. Alors, il y a les Amis de la Terre, il y a ATAC France. Alors, on est content d'avoir eu des porte-paroles. Mais il faut d'ailleurs rester avec nous après la pause publicitaire. et peut-être même qu'on pourrait remettre la chanson du groupe Sept Pins Banque, qui sont en train de jouer ici. Alors, c'est un peu eux, les porte-paroles chansonniers de cette grande messe de tout groupe, la société civile et écologiste. Je pense que c'est un beau mariage. On voit l'exemple. Et après la pause, on a J.C. Lauzon, vice-président francophone du Parti vert du Canada, humoriste connu, que j'ai croisé à la COP21. Il y a pas sa badge officielle, comme on dit ici. Il a pu quand même aller à des activités à la Génération Climat, qui est ouvert au grand public. Et un autre endroit intéressant où on y rencontre des groupes de la société civile qui tiennent un kiosque qui donne la documentation, mais je peux vous le dire que c'est ici que ça se passe avec le groupe Saltimbanque et les centaines de kiosques. Juste un exemple de kiosque, je me suis retrouvé on parlait de simplicité volontaire. Une dame exprimait sa façon de vivre, qui est beaucoup plus extrême que la nôtre. Elle s'interdit tout achat. Alors, on a pu la rencontrer après. On l'aura peut-être à l'émission un peu plus tard. Il y a aussi juste à côté, il y avait Hervé Kent, qui avait un kiosque de reporter.net. Et souvent, on utilise les reportages ou les une minute, une question faites par le reporter.net. Et Hervé Kent nous a confirmé qu'effectivement, si nous, à l'inverse, on veut faire une minute avec quelqu'un. Par exemple, on va faire une minute avec Claude Vaillancourt sur un sujet d'actualité et ça pourrait être diffusé sur le site reporter.net où il y a des milliers de personnes qui suivent Hervé Kent, qui est pour le plus commun des mortels là, chez nous. C'est le Louis-Gilles Franqueur des Français, puisqu'il était longtemps chroniqueur à l'environnement au Journal Le Monde et il a quitté pour toutes sortes de raisons qu'on peut parler. Il nous expliquait lui-même, d'ailleurs, il n'a pas pu venir se joindre à nous parce qu'il était complètement gelé. Il fait quand même assez froid ici à Paris, vraiment plus chaud que chez nous, mais il est allé chercher des chaussettes chez lui pour se réchauffer, mais il nous a promis qu'il collaborerait de plus en plus avec Grain de Sable et qu'il pourrait même diffuser certains extraits de nos émissions quand ça donne et peut-être diffuser des reportages. Donc, à tous intéressés, ceux qui veulent écrire dans reporter.net, il y a une ouverture qui est faite pour les Québécois à partir de maintenant. Donc, Michel, je te laisse le soin d'aller faire ceux qui payent nos installations et tu peux revenir si tu veux avec la musique thème des Saltimbanques et on se reparle tout à l'heure. Vous écoutez CKRL 89.1. HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix et de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Oui, donc de retour au village global mondial, ben oui, ça existe, c'est à Montreuil, en banlieue de Paris. C'est vraiment génial de se sentir à Alternativa, au Global Village of Alternatives, comme dirait l'autre. Et vous savez, je suis en compagnie de Jessie Lauzon, que je présenterai ici, non pas comme humoriste, mais à titre de sérieux vice-président du Parti vert du Canada. Il y a aussi Claude Vaillancourt avec nous qui va commenter. La coïncidence, c'est que vous allez dire ça arrangeait quelqu'un de vu, ben non. J'ai le livre Crime climatique, stop l'appel de la société civile devant moi, où il y a Noémie Klein, il y a Geneviève Azam, Pablo Solon, Maxime Combe, des gens très connus dans le milieu. Ceux qui connaissent pas, vous devriez googler leur nom et être amis Facebook ou suivre leur Twitter. C'est des gens qui sont tous ici à suivre capitalisme contre climat. Et d'ailleurs, le 10 décembre prochain, j'irai rencontrer pour la première fois Noémie Klein qui, sous le titre « Comment les accords de libre-échange s'appliquent la lutte contre les dérèglements climatiques et que pouvons-nous faire? » C'est le nombre de personnes qu'on peut rencontrer ici. D'ailleurs, j'aime bien Azam dans ce livre, en conclusion, puisqu'elle est une de celles qui a planifié le contenu, nous rappelle que résister et créer les alternatives pour la transition, c'est peut-être une solution pour une justice climatique, la désobéissance civile, pour le blocage de la machine à réchauffer la planète. D'ailleurs, le grain de sable qu'on a vous proposé aujourd'hui, le grain de sable, il dit que, effectivement, c'est pas les gens qui sont au Bourget avec les chefs d'État, les grandes compagnies. Par exemple, j'étais à une table ronde hier, devant moi, il y avait le président de Coca-Cola et le président d'Unilever qui écoutaient prix Nobel Mario Monani, qui est un des premiers chercheurs qui a travaillé avant le GIEC, là, qu'on connaît bien, qui a essayé de prouver avec ses courbes scientifiques que si on changeait pas le système et la façon de dépenser et de faire l'extraction de nos ressources, eh bien, en 2050, on aurait dépassé les 4 degrés. On parle de 2 degrés qu'on veut préserver, mais donc il y a vraiment des efforts qu'il faut être faits. Mais si nous, on se change, on a plus de chances de se changer, changer le monde d'après certains. Et vous, pourquoi avoir acheté ce livre, Crime climatique, stop, l'appel à la société civile, le programme du Parti vert n'est pas suffisant, dit Lauzon? Très intéressant le programme du Parti vert, mais j'aime bien un livre qui me présente plusieurs auteurs, qui me fait voir plusieurs, qui me fait entendre, qui me fait voir plusieurs points de vue. Dans ce livre-là, Desmond Tutu, Naomi Klein, et Vandana Shiva, que j'ai vu dans un un excellent film de Corinne Serreau, qui a fait Good Food, Bad Food, en anglais, solution locale pour un désordre global. Et ça, ce film-là, je le recommande à tout le monde parce que, ben justement, parce qu'on est mis en contact avec des auteurs dont on n'entend pas tellement parler, hein, finalement. Et ces auteurs-là, ben ils sont à découvrir. Ce film-là, c'est un défi qu'on peut trouver partiellement sur YouTube, qui est vraiment, moi en tout cas, ça m'a fait perdre du poids, tu vois, parce que t'entends Pierre Rabhi, l'écologiste, l'agro-écologiste, qui dit à un moment donné, ben, c'est terminé le film, je vous donne le punch final, c'est pas grave, le documentaire, hein, c'est le parcours, et qui dit bientôt, à cause de l'agro-industrie, à cause de comment on cultive nos aliments, on pourra plus dire bon appétit, mais plutôt bonne chance, parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on mange. Non, mais un des livres que vous avez lu, que vous avez en cours, a-t-il été marquant dans votre séminaire? Quand vous avez lu ce livre, vous avez des trucs sur la politique? Quel est ce livre, d'ailleurs? Le livre de Claude Vaillancourt, de Attaque, c'est pas un nom, c'est le livre qui a été publié par Attaque, Québec, c'est Où va notre argent? Ben, c'était marquant, oui, en fait, c'est un livre qui critique le système monétaire et le système capitaliste. Et ça, c'en est un des bons, parce que on se rend compte là-dedans que l'argent qu'on donne à nos gouvernements pour qu'ils, bon, ils assurent un futur intéressant, ces argent-là ne vont pas nécessairement là où il faudrait qu'ils aillent. Alors, je sais pas, mais je pense que vu qu'on a M. Vaillancourt à côté de nous, peut-être qu'il pourrait nous en parler un peu de ce livre-là, Ouvrir notre argent. Oui, c'est, voilà, c'est la première publication du Québec écrite par des gens. Qui a été signé par Desmond Tutu, par exemple, une centaine de personnalités. Laissons les fossiles dans le sol pour en finir avec les crimes climatiques. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne voulons pas nous trouver contraints à survivre dans un monde devenu à peine vivable. Des îles du Pacifique Sud à la Louisiane, des Maldives au Sahel, du Groenland aux Alpes, la vie quotidienne de millions d'entre nous est déjà perturbée par les conséquences du changement climatique, par l'acidification des océans, par la submersion des îles du Pacifique Sud, par le déracinement de réfugiés climatiques en Afrique et dans tout le sous-continent indien, par la recrudescence des tempêtes et des ouragans. L'écocide en cours menace l'ensemble des êtres vivants, des écosystèmes et des sociétés, menace les droits des générations futures. Ces violences climatiques nous frappent inégalement. Les communautés paysannes et indigènes, les pauvres du sud comme du nord, sont les plus affectés par les conséquences du dérèglement climatique. Nous ne faisons pas d'illusions. Depuis 20 ans, les gouvernements négocient, mais les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas baissé et le climat poursuit sa dérive. Alors que les constats de la communauté scientifique se font plus alarmants, les forces de blocage et de paralysie l'emportent. Ce n'est pas une surprise. Des décennies de libéralisation commerciale et financière ont affaibli la capacité des États à faire face à la crise climatique. Partout, des forces puissantes, entreprises du secteur fossile, multinationales de l'agrobusiness, institutions financières économiste dogmatique, climato-sceptique et climato-négationniste, décideurs politiques prisonniers de ses lobbies, font barrage et promeuvent de fausses solutions. 90 entreprises sont à l'origine des deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De véritables réponses au changement climatique nuiraient à leurs intérêts et à leur pouvoir, remettraient en cause l'idéologie du libre-échange et menaceraient les structures et les subventions qui les soutiennent. Nous savons que les multinationales et les gouvernements n'abandonneront pas aisément les profits qu'ils tirent de l'extraction des réserves de charbon, de gaz et de pétrole ou de l'agriculture industrielle gourmande en énergie fossile. Pour continuer à agir, à penser, à aimer, à prendre soin, à créer, à produire, contempler, lutter, nous devons donc les y contraindre. Pour nous épanouir en tant que société, en tant qu'individus et citoyens, nous devons agir toutes et tous pour tout changer. Notre humanité commune et la Terre le demandent. Nous gardons confiance en notre capacité à stopper les crimes climatiques. Par le passé, des femmes et des hommes déterminés ont mis fin aux crimes de l'esclavage, aux crimes du totalitarisme, du colonialisme ou de l'apartheid. Elles et ils ont fait le choix de combattre pour la justice et l'égalité. Et ils savaient, elles savaient, que personne ne se battrait à leur place. Le changement climatique est un enjeu comparable et nous préparons une insurrection similaire. Nous travaillons à tout changer. Nous pouvons ouvrir les chemins vers un futur vivable. Notre pouvoir d'agir est souvent plus important que nous ne l'imaginons. À travers le monde, nous luttons contre les véritables moteurs de la crise climatique. Nous défendons les territoires. Nous réduisons les émissions, nous organisons la résilience, nous développons l'autonomie alimentaire par l'agroécologie. À l'approche de la conférence de l'ONU sur le climat à Paris-le-Bourget, nous affirmons ici notre détermination à laisser les énergies fossiles dans le sol. C'est la seule issue. Concrètement, les gouvernements doivent mettre un terme aux subventions qu'ils versent à l'énergie fossile. Ils doivent geler leur extraction en renonçant à exploiter 80% de toutes les réserves de combustibles fossiles. Nous savons que ça implique un changement historique majeur. Nous n'attendrons pas que les États agissent. L'esclavage et l'apartheid n'ont pas disparu parce que des États ont décidé de les abolir, mais par des mobilisations massives qui ne leur ont pas laissé le choix. L'issue est incertaine. Nous avons toutefois une occasion unique de renouveler la démocratie, de démanteler le pouvoir hégémonique des multinationales, et de transformer radicalement nos modes de production et de consommation. Tourner la page des fossiles est une étape décisive vers la société juste et soutenable dont nous avons besoin. Ici, à Paris comme ailleurs, aujourd'hui comme demain, nous ne gâcherons pas cette chance. Rendez-vous tout le monde donc pour la COP21 pendant les 2 semaines de décembre, où nous tenterons de renverser la table des négociations et d'imposer la fin de l'extraction des énergies fossiles. Le porte-parole de France, elle est l'auteur de Le Temps monte. sont restés humains, faisaient part de la toute-puissance en 2015. Elle collabore à la revue du MOS. Et donc, une des auteurs principales et qui conclut le livre dont on parlait tout à l'heure, Julie Sauveau, c'est l'appel de la société civile, la raison pour laquelle le mouvement et les résistances et les épreuves en a fait de manière essentielle les bases des infrastructures matérielles du capitalisme sous toutes ses formes, le système énergétique et le choix d'une civilisation thermo-industrielle, les transports, l'extraction et le contrôle des ressources naturelles, les infrastructures agricoles, industrielles et commerciales rendent visible l'imposture d'un capitalisme qui prétend pouvoir tracer sa route en se dématérialisant. C'est pas en diminuant seulement les émanations de gaz à effet de serre qu'on va changer le monde, n'est-ce pas? Non. Mais dites-moi, est-ce que le Parti vert du Canada a une présence particulière ici? Est-ce que vous sentez une influence? Parce que ça fait quand même une dizaine d'années que le gouvernement excluait le parti, tous les partis, en fait. Vous, ici, pour jouer un rôle et faire une pression sur le gouvernement et sentir que ça soit utile avec Elisabeth May? En fait, j'aimerais que ce soit utile. Ici, à Montreuil, on est en période du COP21. Ça fait partie quand même de toute cette environnement. Mais moi, j'ai beaucoup plus de bon, parce que j'ai pu entendre parler de l'eau. Il y avait Ricardo Castellano qui avait l'eau. Je suis venu en politique à cause de l'eau. Tu vois, je suis venu en politique par voie maritime parce que c'est l'eau au départ, c'est les batailles de bouche qu'il y a 160 habitants qui se battent pour préserver leur eau à petite gauche et puis ils sont poursuivis par Gazprom. Alors, c'est lui, ça, moi, qui est-ce que ça aura un impact? Je pense que ça a un impact, que c'est scientifique que je retrouve quand je dis médicament. A écrit là, c'est un livre extraordinaire qui t'ouvre les yeux sur la valeur de l'eau et qu'est-ce qu'on fait avec. Puis bon, les privatisations de l'eau qu'il faut absolument il y a 235 000 apparemment qui depuis l'an 2000 ont été privatisés la dérégulation qui a permis de faire chander et puis les ça c'est vraiment des traités de corporation de poursuivre le gouvernement. Et attention, mesdames et messieurs, je pense que ça c'est une bataille qui va être difficile à mener, mais il faut l'amener. Mais pas au Parti vert, moi, c'était contre la fluoration de l'eau. Ouais. Et effectivement, la première fois que j'ai entendu parler que le Canada ou certaines personnes étaient contre le libre-échange avec la Chine, à l'époque, c'était dans le programme du Parti vert du Canada. Donc, oui, vous jouez un rôle important. C'est intéressant et je dois vous féliciter publiquement d'avoir fait 8,5% au Parti vert. Je disais ça à des amis du Parti vert français tout à l'heure. Ils m'ont dit, alors, il me semble que vous faites 2-3%. Oui, il y a Elisabeth May qui fait lire dans le comté des hippies à Vancouver. Mais de faire 8,5% en bas de Montréal, dans le 4-5-0, c'est vraiment quelque chose. Mais on vous souhaite de changer le système électoral. Puis ça aussi, c'est possible parce que le gouvernement actuel, avec Trudeau, comme premier ministre, il a promis de changer. Okay, qu'en 2019, les Canadiens, vous et moi, Claude Vaillancourt, Pierre-Yves, bon, on votera dans un nouveau système qui, si on se fie à cette question, ça s'appelle un système préférentiel comme en Irlande, qui a des effets pervers, puis ça ne favorise pas les petits partis. Donc, il y a un combat à mener. J'espère que le Parti vert va le combattre. Le Parti vert, ça fait partie des plans du Parti vert. Je ne sais pas si je révèle quelque chose. C'est pas un secret, c'est la proportionnelle. Il faut vraiment travailler sur la proportionnelle parce que le nombre de gens qui ont voté vert et puis le nombre de candidats qui se retrouvent au Parlement, c'est pas juste. C'est sûr, évidemment, comme vice-président, le numéro 2 du parti, vous seriez député régional ou député choisi. Claude Vaillancourt. Billancourt, président d'Attaque Québec. Je veux absolument que vous nous parliez de cette expression qu'on entend de plus en plus, puisque cet accord, universel de Paris sur le changement climatique pourrait inclure la justice. Donc, légalement, ce qui veut dire que ceux qui ne respectent pas une entente légale, ce sont des criminels. Est-ce qu'on va assister à l'expression et à la venue de criminels climatiques? Et est-ce que vous en voyez poindre à l'horizon? Quand qu'il y a des crimes qui sont liés à ça, je pense qu'il va y avoir des mouvements de population importants pour des inondations, des sécheresses, des gens qui souffrent de ça, et des catastrophes naturelles. Et pourquoi pas simplement préserver les intérêts économiques des grandes compagnies transnationales? Alors moi, je pense que c'est quelque chose de criminel, puis je pense que c'est une exception qu'il faut adopter. Sur ce sujet-là, et ce qui arrive, ce sujet-là, il faut aussi mettre les points sur les i. Ici, on est dans une conférence interétatique. Il y a les solutions 21 où là, les grandes entreprises sont non contentes de juste faire du lobbying, essaient de rentrer carrément dans le processus de négociation. Pour ça, c'est inacceptable. S'il y a des criminels à mettre sur les bancs des accusés, c'est bien les activités des multinationales sur l'environnement, mais aussi sur les populations. C'est quand dans le Sud, en Amérique latine, on propose même de déplacer des montagnes, les grandes compagnies minières canadiennes, ça nous touche là aussi chez nous au Québec, au Canada, donc ou les pétrolières aussi. Donc, faut vraiment mettre les points sur les i, qui sont les criminels. Et je pense qu'il est temps d'avancer sur vraiment un régime d'obligations contraignantes des multinationales. Elles doivent répondre de leurs actes. Et je pense que ça fait partie aussi de ce questionnement de ce changement de système, de cette nécessité de repenser l'économie, remettre l'économie au service du monde, dans l'équilibre et l'harmonie avec la nature. Donc, les obligations contraignantes doivent aussi viser les compagnies multinationales. Puis, je suis pas sûr que la COP21 va avancer là-dessus, mais il y a d'autres processus au sein de l'ONU, d'un grand traité contraignant, pour défendre la préséance, finalement, des droits humains et des droits de l'environnement sur les privilèges, entre guillemets. Eux, ils les appellent les droits, mais les privilèges des grandes entreprises multinationales. Vous étiez au prix Pinocchio du climat. Ça, c'est les prix un peu comme les fossiles qui sont très connus. Le Canada a souvent gagné le prix fossile des pires pays dans le cadre des négociations. À chaque jour, il y avait un prix fossile. Je ne peux pas vous les énumérer toutes. Mais les Amis de la Terre, eux, ont fait des prix Pinocchio. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui a gagné? Non, mais là, de mémoire, là, il y a plusieurs nominés, entre autres, pour leurs activités, là, évidemment, d'exploration, d'extraction pétrolière et gazière. On le sait, l'économie c'est essentiellement autour des 10 dernières années, autour d'une économie d'extraction. Je pense que on est partie prenante du problème. Il y avait BNP dans le secteur agricole aussi, des nouvelles entreprises qui pensent à des aliments intelligents. En réalité, sont sous ouverts réellement des entreprises qui s'accaparent des territoires. On a une problématique là qui va devenir criante au Québec, d'accaparement des terres, aussi de concentration des terres. Je pense que tous ces enjeux-là se débattent ici, pas à la COP21, mais au sommet citoyen de Montréal. Vous avez été très actif en dehors de la COP21. Et merci donc à tous nos invités, Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, Jesse Lauzon, vice-président de Partie verte du Canada, et Pierre-Yves Sorinel, du regroupement québécois sur l'intégration continentale. Donc, on parle de libre-échange à partir de maintenant. Alors, on oublie ça. L'entente est quasiment signée. La victoire, en tout cas pour les Canadiens, c'est que le marché du carbone n'est plus dans l'entente. On parle dans 5 ans. Donc, on essaie de leur faire retarder ça encore de 5 ans. Merci. C'est Jean-Christier, le grain de sable en direct du village global des alternatives Alternativa à Montreuil en Montréal. Et on s'excuse peut-être de la qualité sonore, mais on est content d'avoir été avec vous aujourd'hui. Salut à tous, à la semaine prochaine, où là on parlera plus du contenu de l'entente. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Après son jogging, Alex a toujours le même réflexe. Je vais prendre ma douche. Oh oui, bonne idée. Mais depuis qu'il a visité le site Les bons réflexes d'Hydro-Québec, il a maintenant le bon réflexe. Je vais prendre ma douche, puis je vais essayer qu'elle dure une minute de moins. Apparemment, comme on est quatre, ça pourrait nous faire économiser jusqu'à 50$ par année si on fait tous pareil. Oh oui, bonne idée! Les bons réflexes, c'est mieux consommer de l'électricité, parce que c'est bon pour vous et pour l'environnement. Découvrez d'autres bons réflexes à lesbonsreflexes.ca, une initiative d'Hydro-Québec.